gen chans pou vin loue bon die. Se pa bon ou pi bon pa se lot la men se kaj bon die a chante danse pou li. Jean va danser sous des pieds c'est pas bon ou pi bon passer l'autre la main c'est gaz bon Dieu y a chanté danser pour lui. Alléluia levez quand même pour chanter alléluia vive comme elle va alléluia balancez l'air pour louer alléluia Jésus qui est vivant jodia ou ka wè ou tande ou ka parler ou ka respirer c'est pas chance ou bien plus passer l'autre là mais c'est grâce bon Dieu y a balancé mais on coule. Alléluia levez quand même pour chanter alléluia vive comme elle va alléluia balancez mais on coule alléluia Jésus qui est c'est l'autre la main, c'est grâce, bon Dieu, y a chanté, danser pour lui.